Et bonjour Radio Duo, bonsoir. C'est des litres de salive. Je viens vous distraire de l'excellente ambiance des actualités. Des litres de salive pour faire glisser des mots, pour humecter des muqueuses, lécher des plaies et cracher sur l'amour. Et on cracherait dessus jusqu'à le réhydrater, jusqu'à ce que le petit haricot sec, radin, hétérocentré, hétéronormé, hétérochiant, devienne un joli truc tout palpitant, luisant, doux et rebondi qu'on aurait envie de glisser entre nos lèvres. Aujourd'hui, on râle et on écoute du black metal. Bon, et aussi du grindcore et puis du gentil punk aussi, peut-être. On râle principalement à propos du New Age et compagnie et tout ça, hein, parce que franchement, c'est facile. Mais on se pose aussi des questions théoriques plus ou moins absurdes et plus ou moins développées, plutôt moins que plus, si vous voyez ce que je veux dire. Comme actuellement, je dispose d'une quantité d'énergie limitée. Et puis en plus, je semble m'obstiner à l'utiliser pour des trucs débiles comme le travail, le sport et la misanthropie. Et bien, créer du contenu original intellectuellement valable, ça s'avère un petit peu difficile. Donc, on va écouter beaucoup de musique pendant cette émission. Et puis, aussi, j'ai envie de râler. Je vais poser des questions théoriques sur le fait de râler. Et puis, j'y répondrai pas. Pourquoi râler ? Est-ce que c'est, par exemple, la fréquentation forcée de certaines personnes qui me reprennent quand je dis que je vais essayer de faire quelque chose, hein, qui me reprennent parce que, tu comprends, il faut positiver. Et quand on fait quelque chose, on le fait et on n'essaye pas. Et gna gna gna gna gna gna gna. En fait, c'est une parole empruntée à Yoda. Voilà. Et est-ce que ce serait par hasard d'entendre des trucs comme ça qui me donnent envie de râler ? Oui. Et bon, la positivité forcenée, ça suffit là. Enfin, c'est pas tant le truc en lui-même, là, c'est que de l'imposer aux autres dans le discours et d'enfoncer des portes ouvertes constamment. Là. On a les croyances qu'on a. Hein. Le problème, c'est quand même plutôt de faire chier le monde et de corriger les gens en se basant sur ses croyances. Bon, et le fait que ça soit un tissu d'approximation et de trucs infondés déguisés en vérité scientifique, c'est juste un bonus. êtes toujours sur le 89.5 de Radio Diouf et on vient d'écouter, alors juste là c'était Los Puncetes avec Ocultismo, donc c'est un groupe espagnol. Et ça a enchaîné sur une autre chanson de Los Puncetes. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas le titre de la chanson, vraiment. Voilà. Mais c'est super comme groupe. Hein. Et juste avant, c'était Johnny Carwash avec I Don't Give a Shit. Voilà, je pense que je ne suis pas la seule à apprécier Johnny Carwash parce qu'en fait, il y a des stickers dans les locaux de la radio. Voilà, je n'avais pas trop vu avant. Bref, reprenons notre sérieux. J'ai pas encore résolu dans ma tête le fait que est-ce qu'on peut dire des marques ou pas, et est-ce que si c'est pour en dire du mal, on peut. Enfin, je sais pas en fait comment on est censé faire sur une radio associative. Du coup, je vais rien faire de particulier. Alors, je sais pas si vous connaissez, c'est des sachets d'infusion. Ça commence par Yo et ça finit par Gitti. Et c'est des sachets d'infusion sur lesquels il y a des petites phrases écrites sur l'étiquette du sachet. Voilà, des petites phrases des infusions. Et bien, on trouve maintenant des humains qui s'expriment essentiellement à base de ces phrases. Alors, les phrases, ça va être par exemple... C'est dans la communion avec l'autre que l'on trouve son être intérieur. Ou commencez à écouter votre voix intérieure. Ou bien, lorsque votre intérieur et votre extérieur s'harmonisent, vos relations le font aussi. Ou encore, marchez avec grâce, parlez avec grâce, vivez avec grâce. Et alors, personnellement, mon préféré, videz-vous et laissez l'univers vous remplir. Bon voilà, je crois que Yogiti a peut-être un petit peu chaud au slip. Bon, et du coup, des humains disent ce style de truc, tu vois, genre la vérité de soi et machin, avec un air pénétré, comme ça, genre on est follement en possession de la vérité vraie des êtres et que voilà... Et voilà, la pensée positive, là, et ben ça m'horripile, et on remarquera l'ironie du truc, vu que ça me rend quand même vachement négative. Voilà. Ceci dit, en cherchant plus de citations Yogiti, je suis tombée sur le blog de Machinette, adepte de la pensée positive, et je me suis sentie vraiment, vraiment et gênamment proche de cette personne en lisant des bouts de son blog. Donc je cite... On a tous mille et une raisons de subir du stress chaque jour. Se laisser surmener est récurrent. J'essaye de contrer le négatif en travaillant sur moi pour ne pas me laisser envahir et que cela me gâche la vie. Car cela a longtemps été le cas, m'occasionnant maux de ventre et insomnies. Penser de façon positive est loin d'être facile. Cela m'a demandé pas mal d'années et quelques changements dans ma vie, notamment un déménagement. Ce dernier a évidemment été une grosse source de stress avant et pendant, mais le après n'a été que du bonheur. Pouvoir enfin vivre au calme dans un plus grand appartement, plus moderne, mieux isolé, entouré de voisins que l'on n'entend quasiment jamais, a fortement contribué à ce que je sois mieux dans mes baskets. Autre changement, éloigner les personnes toxiques et ne pas me laisser manquer de respect. Ne plus évoluer dans l'univers du travail, bureau, patron, collègue, a également bouleversé positivement ma vie. Je ne supportais pas ce cadre, j'y étais malheureuse. Je n'y ai croisé que très peu de gens sensibles, empathiques, intéressants, agréables ou amusants. J'ai heureusement appris durant ces longues années. Mais je dois dire que d'être indépendante et de devoir tout faire seule est la meilleure façon de mûrir et de s'épanouir, à mon sens. Bon, alors voilà... Donc, habiter un endroit décent, ne plus bosser et ne plus fréquenter des trous ducs, bizarrement, ça fait du bien. Mais enfin, voyons, non, c'est grâce à la pensée positive et au travail sur soi que ça va mieux. Oui, bon, d'accord. Yeah. Et c'était deux fois Sex Germs, un groupe états-unien, hein, voilà, avec d'abord Get Some et ensuite la chanson Crocodile qu'on vient juste d'écouter. Vous aurez remarqué, on a commencé gentiment à la musique et on va progressivement s'exciter un petit peu là quand même. Hein. Alors, donc revenons-en à notre sujet. Râler, est-ce que ce serait pas le versant apolitique des luttes sociales? Et râler, c'est ce qu'on dit quand on veut que les gens ils la ferment. On dit qu'elle râle, parce que les ondes négatives, tout ça. Et puis, souvent, c'est montré comme un truc inutile et comme justement de l'énergie inutile dépensée de râler. Mais en fait, est-ce qu'il n'y aurait pas une fonction au fait de râler? Et bon, évidemment, il y a une dimension sexiste, hein, parce que les mecs qui râlent, ils font ça pour manifester leur présence intempestivement, là, et leur virilité, leur opinion, tout ça. Et il y a un truc de perception qui fait qu'ils sont perçus comme légitimes par rapport aux râleries des meufs. Et puis d'ailleurs, eux, ils râlent pas vraiment. Ils revendiquent, ils s'opposent, ils critiquent. Et j'avais oublié de remonter mon micro. Voilà. Parce que je suis très concentrée. Voilà, très concentrée, c'est super. Donc je suis navrée pour ce moment de blanc qui n'a gêné que vous en définitive, parce que moi je ne me rendais pas compte. Bref, ça va être... Ah non, du coup vous n'avez rien entendu du tout, ouais. On vient d'écouter donc le groupe Traidora, qui est un groupe états-unien a priori, avec le morceau Sangre en los ojos. Et maintenant, on va se demander comment définir râler. Et on va pas le faire, on va juste le faire sous forme de question. Alors râler, qu'est-ce que c'est? Râler, c'est manifester du mécontentement. Je pense que ça, on peut le dire. Du mécontentement face à des obligations, des événements et surtout face à des comportements d'autrui. Et c'est exprimer un désagrément mineur. Juste l'exprimer, exprimer l'émotion et à la limite décrire sa cause. Mais donc pas dénoncer, pas analyser. donc pas une injustice, pas une violence. C'est à propos de choses plutôt pas fondamentales. Existe-t-il une opposition entre râler et critiquer ? Sure do. D'écouter. Qu'est-ce qu'on vient d'écouter ? Ah oui, on vient d'écouter Feminine Odor du groupe Unsanitary Napkin. Voilà, parce que pour la traduction, ça veut dire serviette pas hygiénique. Voilà. Et Feminine Odor, du coup, bah, c'est une chanson qui parle de l'odeur. L'odeur des parties intimes. Bref. Et juste avant, c'était une reprise d'Unsanitary Napkin par un groupe qui s'appelle Jalang. Et c'était un son qui s'appelle Turf War, voilà, la guerre contre les turfs. Râler. Râler exprimerait la profonde fragilité de l'humanité face à ce qu'elle ne contrôle pas. Est-ce que ça permettrait de se concentrer sur des choses futiles ? D'y mettre toute son attention pour se distraire de ce qui nous inquiète vraiment. Est-ce que des fois, râler, c'est pas un premier pas, une alerte que ça va pas, et après, on découvre, on s'aperçoit que ce qui se passe, c'est ni anodin, ni une espèce de tension passagère entre deux personnes. Et raconter ce qui s'est passé à une pote en râlant, avec potentiellement de la dérision, et puis se rendre compte que, en fait, ce qu'on a vécu, c'était pas un truc si anodin, par exemple. Par exemple, ça peut arriver. Et en miroir, donc, des fois, dire qu'une personne, elle râle, désigner ça comme ça, c'est un moyen de délégitimer sa parole et ses revendications. Et quand il n'y avait pas de mots pour dire les choses, on râlait sur les trucs. Râler suppose que c'est une chose contre laquelle on ne peut rien faire. Un désaccord, un aléa, un truc où le rapport de pouvoir ne transparaît pas, alors que parfois, il est bien là. We'll be right back. Et c'était le groupe Contorture, un groupe norvégien, avec le morceau qu'on vient d'écouter, c'était Blackwater, et le morceau d'avant, mention spéciale jeu de mots, Uterus Apart, enfin bref, vous avez compris quoi. Et maintenant, râler à propos de covoiturage. Un truc assez commun à beaucoup de personnes, je pense, de râler à propos du covoiturage. Donc, un type style commercial, cadre sup, 45 ans, voiture de gros bourge, avec lequel je suis montée en covoiturage, a entrepris de nous expliquer, à nous, les personnes qui covoituraient, que le magnétisme, les ondes, la biodynamie, etc. Donc, les trucs de Steiner, l'anthroposophie et compagnie. Si vous connaissez pas tous ces machins, en gros, c'est un système de croyances avec aucune base scientifique, mais qui fait genre qu'il en a une et qui a plein de ramifications dans les idées que ça répand, etc., dans les trucs de développement personnel et New Age, les deux mélangés. Et bon, voilà, la plupart de ces croyances pseudo-scientifiques, elles sont essentialistes, au niveau du genre notamment, donc c'est hyper dangereux. Et puis, elles vont exploiter le mal-être des personnes en y apposant des explications individuelles, voire individualistes, et fantaisistes, et puis surtout en vendant des solutions basées donc sur rien, ce qui fait cher. Bref, je me suis retrouvée dans un covoiturage avec un adepte de la biodynamie aquatique, enfin, de l'ionisation de l'eau pour la rendre vivante, tout ça, et qui s'est mis à faire longuement, trop longuement, du prosélytisme sans qu'on ait rien demandé et à nous expliquer que l'eau est morte, qu'il faut la dynamiser. Alors, j'ai pas bien compris exactement en quoi ça consiste, mais à peu près, c'est dynamiser, c'est remuer les ions pour qu'ils forment des plus jolis cristaux en suspension dans l'eau visible au microscope. Bref. Et donc, il nous expliquait aussi que les villes tuent l'eau en y mettant de la javel et que la machine qu'il a installée chez lui et qui coûte je ne sais plus combien de centaines ou même peut-être de milliers d'euros, c'était énorme. Cette machine permettait de redynamiser l'eau et de la rendre ainsi propre à la consommation. C'est à cause du manque de dynamisme de l'eau qu'on a des maladies et blablabla, la déliquescence du monde moderne, tout ça, là, voilà. Le meilleur moment, ça a été quand même quand on s'est arrêté à Montpellier. Donc après, c'est longue diatribe sur l'eau morte des villes, etc. Donc on s'est arrêté à Montpellier, on a récupéré une personne qui bossait au service des eaux de la ville. Et c'était un petit peu compliqué de ne pas éclater de rire. Voilà. Heureusement, pendant ce covoiturage, j'étais à l'arrière. Parce que vraiment, les jacquis qui t'expliquent la vie en allant à leur séminaire de pseudo-sciences pour apprendre à arnaquer le monde en vendant des secoueurs d'eau, ça fait râler, ça. Les teubés qui te prennent pour une quiche en t'expliquant des trucs aberrants d'un air très sûr d'eux, là, pendant qu'ils t'ont en leur pouvoir, dans leur véhicule. Mais, alors, ne nous laissons pas submerger par les préjugés, là. Regardons un peu le site de vente d'une machine à dynamiser l'eau, et je soupçonne que c'est celle-là qu'il a chez lui, même si je peux pas être certaine. Et bon, en fait, il y a des schémas, là, des schémas, et du langage scientifique de partout, genre des pages et des pages d'explications pseudo-scientifiques, où même moi, je vois bien que ce n'est pas cohérent, c'est-à-dire qu'il y a des trucs scientifiques réels, et les causes et les conséquences sont connectés de façon fantaisiste, je sais pas, j'aime bien ce mot, tiens, fantaisiste, voilà, c'est fantaisiste. Donc, oulala, par exemple, attention, un beau schéma qui montre que la machine reproduit les mouvements de l'eau lors d'un cycle naturel d'écoulement. Donc la machine reproduit la pluie dans ces tourbillons là, machin, elle reproduit la pluie, le ruissellement, elle reproduit les tornades, hein, et ça rend l'eau mieux assimilable par le corps. Et du coup, ça hydrate l'eau. Attention. Et c'est scientifiquement prouvé. Et oui, je trouve ça débile. Hein, et je me moque. Et il faut dire, quand on râle, souvent, il y a une dimension où quand même on met en avant la connerie des autres et que c'est ça qui nous fait râler. Et du coup, forcément, on a un peu du mépris, on a du jugement et tout ça. Et comment on fait ça? Alors, des fois, souvent même, quand on est dans la critique, quand on argumente et pas quand on râle, du coup, on fait sans mépris. Seulement, on n'est pas d'accord. Et c'est juste ça. Et puis on l'exprime, on argumente et tout. Mais geindre que les personnes ne sont pas ouvertes d'esprit, seraient classistes ou méprisantes et tout ça, quand elles ne sont juste pas d'accord avec un propos, c'est aussi une stratégie qui existe et qui est assez bien rodée pour silencier les discours critiques. Ensuite, des fois, vraiment, oui, on se moque, on juge, on s'agace. Et le fait que les personnes elles soient parfois vindicatives et pénibles, ça n'est pas vraiment une excuse. Et ça n'arrange rien stratégiquement, parce que clairement, ça donne envie à personne de nous écouter. Hein. Et est-ce qu'on devrait réserver ça à un entre-soi qui permet de se défouler? Probablement. Mais c'est pas un peu chiant, là, de vouloir lisser les rapports et positiver tout le temps, là? Est-ce que de vouloir faire ça et forcer les gens à faire ça, ça serait pas du mépris de classe? Et d'ailleurs, est-ce que tout ne pourrait pas être du mépris de classe? Et puis on n'en parle plus comme ça, voilà. Genre, par exemple, critiquer l'extrême droite. Non, ça marche pas, ça. D'ailleurs, c'est un peu du mépris de classe de dire que c'est du mépris de classe. J'espère que vous me suivez. Du bien par où ça passe. Alors, c'était Accrochez-vous. Flagitius idiosyncrasy in the dilapidation. Voilà, ça c'était le nom du groupe. Avec le morceau qu'on vient d'écouter, c'était Gaze. Et le morceau d'avant, c'était Dusted Retina. Et voilà, pour une fois qu'il y a un groupe de grindcore avec des meufs, et ben c'est cool, voilà. Revenons-en à nos histoires. Un autre truc qui m'a bien fait râler, ça va être les interprétations de certaines personnes que certaines personnes font de l'idée de la différence entre conflit et agression. Faire passer un conflit pour une agression quand les personnes ne sont pas d'accord, ça fait apparaître un rapport de pouvoir et son exercice, là où en fait, il n'y en avait pas, ou alors pas vraiment comme ça va être décrit. Et d'un autre côté, qualifier de simple conflit une agression dans laquelle des pressions et rapports de pouvoir divers sont en jeu, eh ben ce serait le contraire, vous voyez. Par exemple, j'aime la série Buffy. Je parle de Buffy avec une autre personne qui, elle, n'aime pas Buffy. La personne en face dit que c'est de la grosse merde et que tout le monde devrait détester ça. Moi, je dis que je suis pas d'accord et que pour moi, c'est cool à regarder. Et là, la personne en face, elle me dit que je respecte pas son opinion et que je suis fermée d'esprit parce que je veux pas adopter son point de vue à elle. Et voilà, le truc a été retourné, tada, voilà. Donc c'est très, très énervant. Alors déjà, là, il y a une inversion, mais qui concerne pas encore un truc du niveau d'une agression. Et imaginons qu'on s'énerve un peu, le ton monte, on s'envoie chier. Et là, la personne, elle dit que je l'agresse, elle induit un rapport de pouvoir là où il n'y en a pas, voire là où elle a elle-même déployé de l'agressivité verbale plus tôt. Mais attention, ça c'est une situation donnée. Et voilà, là c'est un exemple, et c'est bien de parler de l'usage abusif du terme agression, de la définition d'une agression, tout ça. Et oui, une agression, c'est pas forcément pareil que de faire preuve d'un peu d'agressivité, mais ces outils de réflexion-là et cet argumentaire et tout, c'est pas à mettre entre toutes les mains. Et si tu t'arrêtes seulement au titre, par exemple, du bouquin de Sarah Schulman, Le conflit n'est pas une agression, eh ben, tu rates quand même un petit peu des trucs, parce que des agressions, c'est pas non plus une fiction inexistante, voilà. En plus, dans la vraie vie, ce qui se passe la plupart du temps, c'est ça va crier à l'agression. C'est pas que ça va crier à l'agression quand il n'y en a pas. Dans la vraie vie, les personnes, elles vont adopter des comportements agressifs et dominants parce qu'elles le peuvent. Elles en ont l'habitude. Et on est tellement habitués nous-mêmes à ça qu'on va l'étiqueter comme du désaccord. Pas trop oser le remettre en question parce que c'est compliqué. Ou alors, on va capter que ça va plus loin que du désaccord et ce sera compliqué quand même. Dans la vraie vie, je dis la vraie vie, moi ça, la vraie vie c'est aussi Internet et les réseaux sociaux, hein. C'est par rapport à une fausse vie fictive dans la tête des personnes qui ont une perception toute niquée. Donc dans la vraie vie, la plupart du temps, on est soumise à des rapports de pouvoir dans les relations et les personnes dominantes, elles s'assoient confortablement dans leur domination comme ça, là. Et elles vont de la violence verbale à la menace plus ou moins subtile, hein, où elles peuvent aller plus loin aussi. Et puis, elles laissent passer ça pour de simples désaccords et conflits. Le niveau de violence généralement admis, il est assez élevé, surtout verbalement et dans les rhétoriques. Et aussi dans la vraie vie, la confusion entre désaccord et fermeture d'esprit, eh ben, elle se fait plutôt dans l'autre sens. C'est plutôt les personnes du côté des discours normés. Alors, aussi, les personnes du côté des discours normés ou des personnes qui sont du côté de discours fortement critiqués, mais pour de bonnes raisons, genre les conspis, tout ça, qui vont prétendre la fermeture d'esprit de leur interlocutrice, alors que celui-ci n'est juste pas d'accord avec elle. Je suis pas fermée d'esprit, je suis juste pas d'accord avec toi. Et en tout cas, entretenir la confusion entre un désaccord et la soi-disant fermeture d'esprit, ben quand même, c'est bien pratique, hein, quand on veut passer pour une minorité persécutée alors qu'on l'est pas du tout, non ? Non, c'est bien pratique. Hein. Je mettrai dans mon livre les 50 plus grandes astuces pour être un ouin-ouin discret et efficace. Still. Et on vient d'écouter le groupe Wars avec le morceau La Belle Innocente. Wars, c'est un groupe parisien. Et juste avant, c'était Luna Pythonicium, qui c'est le projet solo d'une meuf mexicaine. Et le morceau s'appelait Ecos del Miedo. Râlons. Revenons à notre râlerie. Un youtubeur français très connu a sorti il y a 2 ans. Alors oui, c'est pas l'actualité brûlante, hein, désolé. Donc il y a 2 ans, il a sorti une vidéo. C'est pas masculin hein, à proprement parler, mais ça illustre parfaitement un lieu commun du discours public à propos du féminisme, qui est le « il faut pas que ça aille trop loin ». Mais là, on a une variante avec du confusionnisme et de l'anti-wokisme, mais pas hyper prononcé non plus. Enfin bref, c'est bizarre, c'est un entre-deux, c'est pour ça que c'est intéressant aussi. La personne, donc, c'est pas un activiste masculin. Hein. En début de vidéo, il tient des propos de soutien aux féministes. Hein. Il montre qu'il comprend qu'il existe des oppressions systémiques et du sexisme. Mais apparemment, il croit quand même au racisme anti-blanc, donc je sais pas comment le structurer... Enfin bref, on s'en fout. Mais donc, c'est pas le gros vilain militant, mascu, miso, c'est plus un espèce de monsieur tout le monde. Et même qui s'intéresse à certaines questions de discrimination. Et c'est pour ça aussi que c'est intéressant. Et sa vidéo, elle m'a fait râler. Donc, parce que c'est un gars, genre, tout le monde regarde ses vidéos. Ah, ça m'insupporte. Et donc, il fait une vidéo sur le wokisme. Voilà, pour dire que, alors son point numéro 1 c'est « il faut pas aller trop loin », donc voilà le traditionnel, hein. Alors là, c'est toujours la même merde, hein. Trop loin dans quoi exactement? Trop loin dans demander que des personnes ne soient plus ciblées par toutes les nuances possibles de violence juste parce qu'elles existent? Voilà, c'est... Et alors, il y a un autre point, et il faudrait pas se victimiser, et il y a de la victimisation, oulala, les woke se victimisent des fois. Le cancelling va trop loin. Eh ben, c'est sûr, quand on définit pas ce que c'est le cancelling, qu'on laisse penser que c'est juste quand on s'acharne sur les réseaux sociaux sur quelqu'un, qu'on fait aucune différence entre les personnes selon leur place sociale, eh ben oui, on va trop loin, oui. Et cette espèce de petit pénible, il utilise un extrait de vidéo de ContraPoints. Il ose utiliser la vidéo de ContraPoints. Qui est une youtubeuse hyper cool, qui fait un taf de trop bien. Bref, du coup, il ose utiliser un extrait de la vidéo de ContraPoint sur le cancelling, cet extrait complètement tronqué de son contexte, bien sûr, pour appuyer un propos de « des fois, les personnes opprimées ont tort », comme ça, hors contexte. Non mais, n'importe quoi. Bon, bref, ça me fatigue. Et ça donne juste des armes aux transphobes, racistes, faf, antiféministes et compagnie, en particulier quand c'est la parole d'une personne qui est identifiée comme modérée politiquement. Inside into chaos. et c'était Pupil Slicer avec le morceau Blossom. Voilà, je suis pas hyper convaincue par les parties où il y a du chant clair, mais c'est bien, ça me permet de râler sur les morceaux que je passe moi-même. Voilà, c'est bien. Mais bon, en fait, moi, ce qui me fait râler, c'est les logiques de domination et leur mise en œuvre. Voilà. Je râle que sur des trucs politiques. C'est pas drôle. Yeah! Et c'était le morceau Amertume du projet solo d'une meuf bretonne, Tool and Iwern. Voilà, je pense que je prononce très mal, mais je ne parle pas breton, malheureusement. Et maintenant, ça va être le moment de parler de sexe. Voilà, attention, le moment de parler de sexe. Ta-da-da. Mais de sexe, bien sûr, en rapport avec la thématique du soir. Car avez-vous déjà râlé pendant l'amour ? Avez-vous déjà été exaspéré par la répétitivité d'un partenaire ? Par son obsession constante pour votre anus ou pour le sien ? L'avez-vous exprimé dans des termes peu amènes sur le moment ? Auriez-vous dit à un amant trop bavard « Mais tu vas la fermer, oui ?» alors qu'il vous susurrait en pleine action un énième scénario de sa composition, passant outre vos multiples demandes de cesser de parler. Non ? Moi non plus. Je vous propose maintenant d'érotiser la râlerie dans un exercice d'une finesse absolue et d'un naturel charmeur. Ah non, non, pas comme ça. Mais je t'ai déjà dit, plus à gauche. Non, mais tu vas glisser là. C'est chiant là, ce bruit. Tu peux pas faire plus doucement? Ça me déconcentre. Attends, tu vois bien qu'on va pas y arriver comme ça. Non, mais quand même, ça me semble évident qu'il faut le mettre dans l'autre sens. Si tu veux, je peux le faire. Ça va. Je vais le faire moi-même. Et voilà, c'était des litres de salive. On se retrouve du coup le mardi à 21h dans 4 semaines. J'ai pas regardé, c'était quand la date. À bientôt, merci d'avoir écouté. Et je vous laisse avec Ragana, parce que quand même, Ragana, c'est cool, quoi. Allez, salut.